à te battre pour des idées, à prendre les armes décidées, à rétablir l'équilibre, quitter tes frères pour vivre libre. Filez ton chargé, relâchez, soyez le furoncle, donnez accès à tes neveux, à une vie paisible, qu'ils soient fiers de leur nom. Est-ce normal de se faire baiser? De génération en génération, tes parents ne mangeaient pas à leur faim et tu devrais réduire tes rations. De serrer la ceinture, la position des dirigeants est prédestinée. Depuis que le peuple a pris la Bastille, depuis qu'il a guillotiné les nobles, éliminer tout obstacle pour enraciner la bourgeoisie, les dominer. Les mêmes se laissent prendre à leur hypocrisie. Le peuple prenne à la gorge de prolétariat. Faudrait qu'ils se contentent de son sort. Trouver espoir dans la Bavaria. Dans les cités, les parias qui veulent éviter qu'on perde le goût de résister. La lutte des classes est un sujet toujours d'actualité. Nous ferons parler les gens. Elles parleront le langage de la rue. Depuis je sors là. Elles parleront un langage cru. Quand nous ferons parler les armes. Elles parleront le langage de la rue. Depuis je sors là. Elles parleront un langage cru. L'establishment est puissant, c'est une minorité qui pèse depuis son parfait. Tous les leçons de la majorité, c'est le système vivre amical qui me fait gonfler les âmes qui alors masquer les boules, ils font tout pour ne gagner le boulin. La masse des middle class se cache dans son confort de vélotruche. L'élite s'étache avec des pascales, nous voyons le nez dans un ballon de pontruche. Chacun protège son patrimoine dans l'air d'immense élage. Des hommes divisés, ils peuvent régner, ils veulent nous vendre à volage. C'est de la merde jusqu'au genou et les larmes ont rougi. Mais joue de la densité dans la cité, m'a étouffé, déshydraté. Ils raccourcissent de plus en plus la prise. Ils font de nous des hybrides, mi-homme, mi-flingue. Je shoot comme un homme cingue. Nous ferons parler les armes. Elles parleront le langage de la rue. Depuis le sort, de l'âme. Elles parleront un langage cru. Quand nous ferons parler les armes. Elles parleront le langage de la rue. Depuis le sort, de l'âme. Elles parleront un langage cru. Les armes, elles parleront le langage de la rue. Depuis de ça, de l'arme, elles parleront un langage cru.